il n'a plus parlé. Subitement, il dit à ma mère, maman, il faut prier, demander au Seigneur de pardonner. Et il fait que, faut pardonner. Mm-hmm. Il me dit, mon fils, le Seigneur, je suis en train de faire des actes de bienfaisance. Oui. J'étais en prison aujourd'hui, j'ai distribué, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Le Seigneur va me pardonner pour cela. Mm-hmm. Je lui ai dit non. Sauvez pour les pas les hommes. Toi, tu as commis des péchés. Oui. Pardonne d'abord, demande pardon, tes péchés d'abord au Seigneur. Au Seigneur, il me dit, reste tranquille, tu connais quoi? Tes œuvres. Tu vas venir m'apprendre quoi? Il lui a dit, mon papa, tu vas me montrer dans la Bible où Jésus-Christ est né, où on a écrit, où lui-même a prêté sa naissance. Mm-hmm. Isaac me dit, regarde partout, en Israël, on fête partout. Il dit que non, papa, vous fêtez le Dieu soleil. Il me dit, jamais, toi tu connais quoi? Après, je dis, directement, tiens, ma fille est en train de parler à cause dans le truc. Il dit, voilà, le Seigneur lui a accepté dans leur patrie. Mm-hmm. Voilà, aujourd'hui, tu ne m'acceptes pas. Mm-hmm. Voilà, tu feras, tu ne m'acceptes pas. Mm-hmm. Tu ne crois pas que moi, je peux t'apporter un bon événement. Mm-hmm. Et nouveau, le Saint-Esprit, en instant, quand on vient de parler tout à l'heure, quand le Saint-Esprit est vraiment, quand il est dans une chambre pour attendre après la montée du Seigneur Jésus, il a dit attendez l'Esprit Consolateur. Mm-hmm. Parce que lui baptise du Saint-Esprit, l'Esprit Consolateur. Mm-hmm. Dieu merci, ça m'a revenu. Mm-hmm. Il dit à maman que maman, tu avais fait une prière devant le Seigneur. Mm-hmm. Le Seigneur est exaucé tes prières, tu ne sais pas. Mm-hmm. Il dit quoi? Il dit, tu ne sais pas, tu as oublié. Quand vous demandez et après quand il vous exauce, vous oubliez. Mm-hmm. Tu as voulu que je sois prêtre, que ton premier fils soit un prêtre. Mm-hmm. Et lui dit, évidemment, ton premier fils est un prêtre. Oui. Mais pas de la sorte, oui. Je pense. Elle me regarde et me dit, mais pas de la sorte comment? Pas de gens qui portent des soutans et autres pour tromper ses prévus. Mm-hmm. Je suis du style à être juste dans ce que j'ai fait. Dans la voiture. Dans la voiture, il me dit. En effet, il peut avoir appelé ici pour te donner l'argent des fêtes des enfants. Il dit non, il la brochure. Mm-hmm. Il ne peut pas être contre et tu donnes l'argent des fêtes pour les enfants. Oui, les enfants. Et un autre jour, il donne l'argent pour oui. Les enfants, pas pour... Pour la fête. Mais mon père est devenu bête d'avoir. Tu veux m'endoctriner, toi. Tu veux venir me tromper aussi comme ton épouse et toi, vous trompez. Il faut que mes petits fils soient. Il dit, papa, on ne dit que la parole, il n'y a que la parole. Personne veut l'enseigner. Quand le Saint-Esprit est descendu, en effet, aujourd'hui, je sais, depuis il y a plus d'une ou deux semaines, j'ai demandé, et d'après, et pour qu'il t'accepte que le Saint-Esprit descende sur toi, il faut que tu sois d'abord saint, que tu sois pur. Bien, j'avais une mauvaise vie. Quand tu te tiens, quand tu marches selon sa volonté, comme il demande, comme il se doit, craindre ce qui n'aime pas, ce qui l'irrite. Là, il va descendre. Quand tu demandes sincèrement du fond du cœur, il va descendre cet esprit super, l'esprit consolateur pour te consoler et pour t'enseigner. Ma maman est libre. Elle dit, mon fils prie pour moi. Il dit, non, j'ai prié, ouais, t'inquiète pas. Il dit à mon papa que quand le Saint-Esprit descend, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Il dit, non, toi tu connais quoi? Toi tu vas me dire, papa, tu ne peux pas discuter avec toi. Présentement, que le Saint-Esprit là me fortifie à lire. Je lui ai dit, il ne lisait pas. Mm-hmm. Et maintenant, je lui dis, il a mieux que parce que j'ai demandé. Maman me dit, non, ton mal désir va finir si tu demandes. Mm-hmm. Et que si tu veux lire, il va t'accepter ça. Grâce à ça, tu vas lire. Bon, c'est là où on s'est un peu tiraillé. Je crois qu'on peut se tirailler, on peut discuter. Il a dit, Père, il dit, enfant. Enfant, soit soumise soit soumise à vos parents comme c'est la lettre d'écrit. Sinon, le ses parents n'irritaient pas vos enfants. Papa, il ne peut pas. On dit, je suis soumis. Et père n'irrite pas l'enfant. On s'est donc séparé, c'est passé. Et j'ai mis, en passant, le Seigneur a permis que vous puissiez prendre un jeune. Donc, comme tu dans le jeune profite, que toi, un jeune de 3 jours pour lui, pour que le Seigneur puisse toucher son cœur, pour que lui aussi, il puisse toucher son cœur. Et scène des confuses dans sa parole. Et puis, tout se lit ses brochures et appeler le numéro qui est à la fin. Mmh. Allez, c'est votre numéro qui est à la fin. Que le Seigneur le bénisse de toute façon, que le Seigneur exauce à ta prière. C'est ça qui est curieux. Vous êtes le fils de quelqu'un, vous dites la vérité. On préfère accepter ce que les autres disent en croyant que peut-être toi, le fils, tu es venu mentir. N'est-ce pas vraiment curieux? Qu'est-ce qui devait être le. Quelle est la position de quelqu'un? Qu'est-ce que la personne devait faire? La personne devait dire okay, examinons. Où se trouve même le vrai problème? Ok. Qui doit nous dire la vérité? Qui est-ce qui doit nous dire la vérité par rapport à cette situation? Ok. La situation dont on allait discuter là. Qu'est-ce qui est censé dire? Qui est l'arbitre? Qui doit siffler si oui ou non c'est juste? Personne ne se pose la question. Une qu'on a trouvé comme ça, on fait. On a trouvé le banditisme, il faut qu'on continue à voler. On a trouvé le quoi, la prostitution, on continue à faire prostitution. Non, c'est pas parce qu'on a trouvé quelque chose qui est mauvais qu'on va toujours continuer à le perpétuer. D'accord? On avance là. Oui, frère. Oui, par rapport à, au mouvement d'évolution avec notre Seigneur. Oui. Ça fait à peine 2 semaines aujourd'hui. Mm-hmm. Papa prend son téléphone, il m'appelle. Je repose déjà la question, il m'appelle, qu'est-ce qu'il veut me dire? Mm-hmm. Je connais déjà ma position par rapport à sa manière de vivre. Mm-hmm. Je viens, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, j'étais chez un voyant qui nous a présenté. Et je suis parti pour mon propre problème. Mais de là maintenant, il m'a parlé de toi. Mm-hmm. Il a dit que si tu n'as pas d'enfant jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que l'ennemi a volé quelque chose en toi. Mm-hmm. Il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Ce que je sais, c'est que on ne vend pas les enfants au marché. Mm-hmm. Et moi, par rapport au marabout et tout, mm-hmm. tu connais déjà ma position mm-hmm. vis-à-vis de ces gens. Je ne me confie pas à un homme, mais je me confie à au Seigneur. Mm-hmm. Il me dit, non, toi, tu décides quoi. Il me dit, voilà déjà ma décision. Tu connais déjà ma position, je ne peux pas me compromettre. Mm-hmm. Je sais que j'ai confiance en lui. Il a dit, faites connaître tous vos besoins. Mm-hmm. Et lui qui nous connaît, il connaît à quel moment il va nous accorder ce que nous lui demandons. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on s'est tiraillé dans les paroles. Il a dit, ok, comme toi tu ne veux pas y aller, moi-même je vais le faire parce que je suis ton père. Mm-hmm. Il, moi je ne te donne pas dans mon accord. Mm-hmm. Donc si tu le fais, ça c'est sera mieux les sans effet. Mm-hmm. Donc, c'est ce qu'on s'est dit. Et ma nourrice était assise là. Elle a dit, hier, Eric, lui, il ne faisait partie d'aucune religion ici. Si aujourd'hui, mm-hmm. lui, il te parle déjà du Seigneur, mm-hmm. ça veut dire que ce n'est que merveilleux. Mm-hmm. Dire, si déjà, elle aussi, elle comprend déjà ce que c'est bien. Mm-hmm. Amen. On va lire donc. Oui, oui. C'est juste une rap. Oui. Comme dimanche dernier, le frère était en visite chez moi. Oui. Ok, non, c'est toi que les frères étaient. Oui. J'imagine quand tu parles de tu ris, parce que t'es. Oui. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est que mon bailleur a été touché. Le bailleur. Très mm-hmm. touché. Mm-hmm. Il a été suppli. Oui. Parce qu'il m'a donné un petit boulot. J'étais en train de faire un petit travail. Lui, il a plein de faire des façonnés des tuyaux. Vous entendez ici, vous entendez ce qu'il dit. Il parlait doucement, doucement. Alors que. De façonner des tuyaux pour lui. Oui. Comme il a en train de faire 3 chambres devant. En train de causer. Quand elle a commencé à faire frire le beignet, il dit que madame Richard, c'est comment? Il dit que non, j'ai fait des beignets. Il dit que c'est pourquoi, comment tu fais beaucoup de beignets comme ça? Il dit que non, c'est pour manger. Non. Ah, c'était en préparatif pour que quand les frères vont venir, oui, oui, donc, oui. Mais donc, ça, je vais venir avec le beignet. Il dit qu'on va recevoir, on a de la visite. Mm-hmm. Il dit les frères, il dit que on a fait. Mais beaucoup de beignets comme ça, il dit que c'est le frère en Christ. Mm-hmm. Là où le débat commence. Le débat commence. Je me dis que mais, le frère en Christ, comment? Tu es même de quelle église, Richard? De quelle église, comme je suis de l'église du Christ? Mm. Je dis que non. Je dis que tu es réveillé. Mais je dis que tu es réveillé. Oui. Mais vous dites que peut-être tu es réveillé. De réveiller. Oui. Mm. Je dis que mon église n'a pas de dénomination. Mm. Je suis de l'église du Christ. Mm. Point. Je pratique, c'est-à-dire que la parole comme Christ le faisait. Mm-hmm. Je ne vais pas dans une maison mm-hmm. pour dire que ici c'est la maison du Seigneur. Oui. C'est là où il me parle de bière. Je lui dis qu'est-ce que tu sais que dans la bière même que tu bois,

found.